fois de plus. Bien, j'arrive, ma force X, B-cube les fixes. Moi laisse, reste tranquille, ne prends pas de risque de succès. Je l'aurai, que tu le veuilles ou non, pas d'excès. Refrais et stop des jeux de bouffons. Mon douce, troquerie dans un pays où les M6 sont en retard de 3 décennies. Dans les hip-hop Frenchie, trop commercial, font de l'argent sale sur un style qu'ils sont blanchis. Bref, c'est vrai qu'il y en a qui gazent et qu'en faut se lancer. N'arrête pas à aligner deux phrases. Le kiff, c'est quand le mic dans ma main gauche, j'allume la mèche. Et comme bombe, j'ai envie d'explose. Me lâche, pose ma rime et que les fausses fâchent. Gâche le rêve de lâche. Fallait qu'ils sachent qui je suis, qu'ils savent qui ils fuient. Qu'ils arrêtent de me saouler avec leur fille. Nègre, c'est hip hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie de vie. C'est hip hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie de vie. J'suis du 1-2, mec, j'suis blindé. Car j'suis plein de style M6 cap. Les faux, j'suis pas l'un d'eux. Pire, c'est qu'avec un mic, mec, tu savais que sur scène en live, fort, les faux sont en échec. Observe ma tech, nick, mec, de hip hop, ma rime, fic, check. J'nique les becs non-stop, trop qu'un ré, X, star. Never die, good feel des années, monte de plus en plus haut vers le sky. Ma rime, comme arme blanche, j'l'utiliserai contre toi si tu choisis le camp opposé. Faut peser chaque mot, chaque geste que tu fais, mec, prends garde, fais gaffe à toi si tu oses test. C'est hip hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie vive. C'est hip hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie vive. Le hip-hop French de rue. Et gars, prends sur toi les erreurs que t'as faites. T'as vu, ta tête t'as vu, en fait t'as vu. Même tes frères veulent apprendre à chaque rue. Ils te guettent, t'as vu. Ex, pour mes sous, je resterai vrai. Représenterai jusqu'au bout pour le point D. Ma raison de vivre chaque jour de ma vie. Que ce soit écrit ou pas, je serai F.E.L. mec du clan X. C'est hip-hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie vive. C'est hip-hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie vive. C'est hip-hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Bon, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une vie vive. C'est hip-hop de rue contre Harry Nègre. Tu fais la guerre à ta famille. Oh, tu joues ta tante, t'avais pas dit que tu dealais. T'étais un dieu, mais seul t'es qu'une fifi.